Psaume 26. Psaume de David. Éternel, fais-moi droit, car j'ai marché en mon intégrité, et je me suis confié en l'Éternel, je ne chancellerai point. Éternel, sonde-moi et m'éprouve, examine mes reins et mon cœur. Car ta gratuité est devant mes yeux, et j'ai marché en ta vérité. Je ne me suis point assis avec les hommes vains, et je n'ai point fréquenté les gens couverts. J'ai haï la compagnie des méchants, et je ne hante point les impies. Je lève mes mains dans l'innocence, et je fais le tour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en voix d'action de grâce, et pour raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime la demeure de ta maison, et le lieu dans lequel est le pavillon de ta gloire. N'assemble point mon âme avec les pécheurs, ni ma vie avec les hommes sanguinaires. Dans les mains desquels il y a de la méchanceté préméditée, et dont la main droite est pleine de présents. Mais moi, je marche en mon intégrité, rachète-moi, et aie pitié de moi. Mon pied s'est arrêté au chemin uni, je bénirai l'Éternel dans les assemblées.